vie de ma mère. J'pèse ces gros PD. On vise la fraîche. On est obsédé. J'veux ma paire de LV. Pour tous les énervés. J'me rappelle plus de mon ex. J'me rappelle de mon Yankee Hervé. J'vais te faire danser le mode zaza zinzin. Si j'pète ton, j'connais la SS. Et puis j'm'en fume au tagaz. Chez Pierre, j'me fous de tes grosses fesses. Igo, la vie est belle, belle. Non, pas comme nos gueules, gueules. Alors j'donne pas de délai, délai. Rouleau de scotch pour pas que tu gueules, gueules. Unga, unga, si tu t'es, sois être sauvage. Pourquoi, pourquoi? Parce que chez moi, le cœur est froid depuis l'œsophage. On n'attend plus l'arrivage. On ira chercher en choupette. Arriba, arriba, ainsi font les petites s'abonner. Hey, hey, hey. Cette toute petite voix me dit hey, hey, hey. Faut du bif dans tes chapeaux. Prends des risques, faut des euros. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. J'entends cette toute petite voix me dit hey, hey, hey. Faut du bif dans tes chapeaux. Prends des risques, faut des euros. Tous les bénéfices sous le matelas. Zéro dans la chenille de ma dame. J'emmène la misère en ballon. Gros déterrant, c'est mon data. Un billet de smart dansé. Dans son cul, dans mes pensées. Que du bon char, pas de plan C. Y'a que la haine qui m'a apaisé. Pésé, pésé. Pas se faire lever avant de peser. Gala pour bâtard qui voudrait me baiser. Tu es l'air, la famille va s'engraisser. J't'aimais ni ton gamos ni ta pétasse. Soit je rotais qu'on m'alias, mes gouttes du béton se lance. J'la baisse pas sur mon épaule qu'elle s'endort. On a rien et on en veut encore. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. J'entends cette toute petite voix me dire hey, hey, hey. Faut du bif dans tes chapeaux. Prends tes risques, faut des euros. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. J'entends cette toute petite voix me dire hey, hey, hey. Faut du bif dans tes chapeaux. Prends des risques, faut des euros. Cette toute petite voix me dit hey, hey, hey. Faut du bif dans